J'écris de Nantes à Alexandrine. Elle ne m'a pas donné signe de vie. Peu à peu, son souvenir s'est noyé tout entier dans mes colères de province. Elle va se marier, paraît-il. Elle fait bien. Je lis mon Balzac et je me rappelle que Lucien de Rubempré demeurait rue des Cordiers, hôtel Jean-Jacques Rousseau. M'y voici. J'étais si heureux, jadis, à ma première arrivée, hôtel Riffaut. Hôtel Riffaut, je sortais du collège. Aujourd'hui, j'entre dans la vie. J'ai de l'argent, heureusement. Courons après les camarades. Nous qui parlions toujours si haut, voilà que nous parlons tout bas. On ne peut pas parler, on ne peut pas se taire. Les gestes et le silence sont mouchardés. C'est bien décembre qui pèse sur nous. Où est Renoul? Que fait-il? Entrez au ministère de l'Instruction publique, comme surnuméraire. Tout le monde a délogé. Il y a à craindre les dénonciations et les poursuites. Oh, ma jeunesse, je t'avais délivré du joug paternel et je t'amenais fier et résolu dans la mêlée. Il n'y a plus de mêlée. Il y a l'odeur de la vie servile. Je me sens le cœur dévoré. Il faudra que, comme les Spartiates, je ne dise rien. Mais c'est affreux. Et moi qui avais pris goût à la vie, qui avais trouvé le ciel si clair, les rues si joyeuses. Il m'est venu de penser. Tuer Napoléon. Il faut marcher à ton but prudemment. Le courage me manque. Rogue me répond. Cela ne servira à rien, n'y pense plus. Tu te ferais arrêter, et nous ferais peut-être arrêter aussi. Ah, il a raison. Il n'est pas facile de tuer un Bonaparte. Mon rêve est mort.